Φυτάς. Κακά. Εγγύρα. Εμείς. Τελείω. Είναι ρεύση σε. Α. Εγγύρα. Si les gros sont faibles, leurs chevaux comme 2000. J'ai les fumants de deux comme Denis. Les sous-sous comme Easy. L'immunité comme Denis. Chanel Zen 667. J'y v'là deux chevaux comme Denis. Tadars, équipe, galère. Fume la loud, loud. Micro, j'fume la pose. Team comme Ballout. Équipe fond dans le Sprite. Et j'mets plus de la dose. Là, j'suis dans le 2016. T'as shoté, signé négro, mais en déficit. J'arrive précis comme un évisible, négro dans le complot comme ABC. Tu veux faire la course, t'as pas le permis, tranquille, lance-toi dans le karting. Ah, si Dieu le veut, moi bientôt je garde des foraines dans le parking. 667 MMS, c'est le plan pétasse. Gader, qu'est-ce que je fais, j'suis le plan pétasse. SOLDO, négro, boule de noir comme mou. J'arrive africain comme vous, des sprites, des roses comme vous. Shenzhen, j'me sens comme Neo Negro, j'suis dans la trilogie. 98 baby, 23 piges, transige comme un trilogie. S.O.C.R.U.S. Negro, remballe ta douille, on la connaît. S.O.C.R.U.S. Katana Yukide, j'arrive comme un japonais. Gader, konnichiwa. Bitchings, v'là de caca, négro comme des toilettes. Sous afro, j'ai des petits yeux, mais je vois net. On se de caca négro comme des toilettes. Équipe, caca de chameau. LDO négro, sous les toilettes. On se de caca négro comme des toilettes. Sous afro, j'ai des petits yeux, mais je vois net. On se de caca négro comme des toilettes.